white. Dylan is Dylan. White is white. Viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white. Hippie, hippie, hippie. Hippie, hippie. Hippie, hippie. Ils sont arrivés dans l'île nue, sans un bagage et les pieds nus, comme un cyclone inattendu, comme une fleur avant la saison, comme une pluie de papillons à laquelle on n'a jamais cru. White, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, hippie, hippie. Hippie, hippie, hippie, hippie. Toi qui as voulu t'emprisonner, as-tu le droit de condamner celui qui cherche à s'évader? Chacun mène sa vie comme il veut. Tu ne peux plus baisser les yeux, car aussi vrai que...